Comment éviter la montée aux extrêmes? Lorsqu'il y a un conflit, et d'abord par exemple dans une simple discussion entre des êtres humains, nous savons bien que potentiellement il y a toujours le risque d'un passage à l'extrême. Qu'entendons-nous par l'extrême? L'extrême, c'est toujours la limite, c'est le terminus, c'est ce au-delà du quoi il n'y a rien, c'est l'ultime en quelque sorte. Mais l'extrême entre les êtres humains, comme il y a aussi dans la politique, l'extrême droite et l'extrême gauche, l'extrême c'est toujours, et que d'ailleurs je ne s'y maîtrise pas aussitôt de manière simple, mais simplement dans nos représentations, l'extrême, c'est toujours en effet le moment où la dispute, le conflit, conduit à une violence qui vise à détruire l'adversaire, à détruire celui qui s'oppose à nous. L'extrême a ici un sens très précis, au-delà duquel, d'ailleurs, il y a encore les ultras comme s'ils étaient encore par-delà l'extrême. Et on appelle ultra, dans tous les domaines, que ce soit dans les supporters de foot ou dans la politique, celui qui est prêt à prendre les armes. Ainsi, l'extrême, c'est toujours le risque de la façon dont une discussion qui peut être modérée, qui est nécessaire entre des êtres différents et qui ont des conflits, qu'elle dégénère en guerre, qu'elle dégénère en crime de l'un contre l'autre. L'extrême comporte toujours cette potentialité. Nous avons spontanément l'idée que l'extrême est un risque qu'on peut toujours éviter, et donc quelque chose qui est conjuré simplement par des actes ordinaires. Ce que nous montrent certains philosophes, et en particulier René Girard, dans un dialogue important intitulé « Achever Clausewitz » et dans toute sa philosophie de l'imitation entre les hommes, de la rivalité mimétique, c'est au contraire que les extrêmes symétriques et qui se miment les uns les autres, sont le risque premier de toutes relations humaines. Il montre que dans la guerre, par exemple, la montée aux extrêmes, aux crimes les pires, est toujours la logique première et pas seconde, celle qui vient d'ailleurs de cette imitation de la cruauté de l'autre. Ça se nourrit sans fin, parce que les uns font tel zague, je vais faire pire, et ainsi de suite. La montée aux extrêmes, et au pluriel, est donc le risque premier de toutes relations humaines. Il ne faut pas la considérer comme une dérive superficielle, secondaire, évitable, facultative, qui se tiendrait à la méchanceté psychologique de l'un et non pas de l'autre. Il faut la considérer comme le risque structurel au cœur des relations humaines. Et nous le voyons bien dans l'idée de guerre totale, dans l'idée que la résistance de l'un suscite la fureur de l'autre. Ainsi, par exemple, en Ukraine, nous voyons que bien loin de se calmer par la résistance qui lui est opposée, la Russie monte en effet à des extrémités terribles, en évitant peut-être cette extrémité interdite par la dissuasion, qui est de l'ordre du nucléaire. Comment éviter la montée aux extrêmes? Peut-être justement par des limites claires, infranchissables, par des institutions, par la prise de conscience et par la justice.